Salut à tous et bienvenue dans Solid Gold, j'espère que vous allez bien. Solid Gold, que vous pouvez retrouver également sur internet sur solidgold.mypodcast.com. Solid Gold, chaque semaine, c'est votre émission de variété anglo-saxonne et nous avons un album fil rouge et cette semaine, nous allons aller en 1980 avec Daryl Hall et John Oates que vous venez d'entendre, Hall and Oates avec leur album Voices. Daryl Hall et John Oates se sont rencontrés au tout début des années 70. Ils étaient musiciens tous les deux. Ils ont participé à différents groupes quand ils étaient jeunes, à l'université, etc. Et ils se sont rencontrés donc au début des années 70 pour produire quelques albums qui n'ont pas trop marché, mais qui les ont quand même fait remarquer par la maison de disques RCA, qui les a signés en 1975. Et à partir de là, jusqu'à la fin de leur grosse période de succès à la fin des années 80, ça leur a quand même permis d'avoir pas moins de 6 chansons, 6 singles à être numéro 1 du Billboard et à avoir plusieurs albums qui sont devenus disques de platine. Parmi ceux-là, c'est l'album qui nous intéresse ce soir, l'album Voices, qui date de 1980, dont on vient d'entendre un premier extrait qui s'appelle How Does It Feel To Be Back. On les retrouve tout de suite avec Big Kids. Daryl Hall et John Oates sont les vedettes de ce Solid Gold de numéro 287. C'est parti. to try. It's really nothing to it. It happens every day. Boy meets girl and love is on the way. Birds and bees, they do it. They believe in love. So if you feel it too, we don't have to hide. Don't you worry about it, baby. This is love, and it's all right. Don't you worry about it, baby. Hey, this is love, and it's all right. Change your point of view. It's true. It's really nothing to it. It happens every day. Boy meets girl and love is on the way. Birds and bees, they do it. They believe in love. So if you feel it too, we don't have to hide. Don't you worry about it. Love, love, love. Il est souvent question d'amour dans les chansons programmées dans Solid Gold. C'est le cas de nos artistes de ce soir, Hall & Oates, qui ont beaucoup parlé d'amour. C'est le cas aussi de Michael Jackson, qu'on vient d'entendre avec It's the Falling in Love, extrait de l'album Off the Wall, chanson qui avait été reprise par Dionne Warwick en 1980. Et ça tombe bien, puisque juste avant, on avait Dionne Warwick en 1977 avec, en 1975, pardon, pour être très précis, avec This is Love. 1975, eh bien, c'est l'année qui a vu Daryl Hall et John Oates signer avec le label RCA et qui leur a permis d'enregistrer beaucoup d'albums qui ont eu beaucoup, beaucoup de succès. Ça a été le cas de cet album Voices qu'on écoute ce soir. On va les retrouver tout de suite avec United States. Et ensuite, ce sera Diana Ross avec un remix, un album de remix qui est sorti de ses grands succès. Et là, c'est I'm Still Waiting et le Almighty Breeze Mix. Please don't wait for me. Wait, babe. walked out that door. You filled my life with empty space. Come back, can't you see it's you I'm waiting for? Mélanger les styles et les époques, c'est le credo de Solid Gold chaque semaine. À l'instant, on avait Mike Berry avec Don't You Think It's Time et Diana Ross juste avant. Eux sont blancs, mais ont bien entendu le son de Philadelphia qui leur a permis de mettre un peu de rock et un peu de soul dans leur musique tout au long de leur carrière, qui continue d'ailleurs, parce qu'après avoir enregistré quelques albums séparément, ils se sont retrouvés dans les années 2000 pour à nouveau créés ensemble, Daryl Hall et John Oates, qui ont eu beaucoup de succès dans les années 70 et 80. L'album qui est notre album fil rouge ce soir, c'est l'album Voices, qui date de 1980. Le gros succès de cet album, on va l'entendre tout à l'heure, c'est la chanson Kiss on My List. Il y en aura eu un autre aussi. Mais là, pour l'instant, c'est Hard to Be in Love with You, qui sera suivi d'une vraie reine de la soul music, Candy Staten. We'll be right back. me, baby, baby, all night long. Used to hold and kiss me till the dawn. Then one day I awoke and he was gone. There's no more baby, baby, all night long. He called me baby, baby, all night long. Lord, I feel so empty since he's been gone. Now I lie here and I die here until the dawn. I miss my baby, baby, baby, all night long. He called me baby, baby, baby, all night long. Yes, he did. Kiss my tears away when things went wrong. What I'd give if he'd come on back home and call me baby, baby, baby, all night long. Oh yeah. Made me strong. Now each night in dreams, just like a song, I can still hear baby, baby, baby, all night long. I can still hear baby. Morning light. Oh, oh, oh, it's mine. On les a souvent comparés à Daryl Hall et John Oates, le groupe Pilot qu'on vient d'entendre avec Magic, certainement à cause de la similitude de voix entre le chanteur de Pilot et celle de Daryl Hall. Et puis, juste avant, Candy Staten avec He Called Me Baby. On va les retrouver, Daryl Hall et John Oates, avec leur album Voices de 1980. Et c'est la chanson qui a eu bien le plus gros succès de cet album. Un single qui a été bien sûr numéro 1 à l'époque. La chanson s'appelle Kiss on My List. Vous avez forcément déjà entendu cette chanson. Et puis un autre gros tube juste après, à peu près à la même époque. C'était un petit peu avant, Barbra Streisand en duo avec la reine du disco, Donna Summer et No More Tears, Enough is Enough. bring me to tears after all these years. No sunshine, no moonlight, no stardust, no sign of romance. We don't stand a chance. But he turned out to be like every other man I love. I love raining. Oh, rain. There's nothing left for us here. And we'll C'était le temps du Flower Power, c'était le groupe The Flower Pot Man. Let's go to San Francisco. Dial Hall, John Oates, deux musiciens qui se sont rencontrés au début des années 70 et qui se sont associés pour produire l'un des duos les plus célèbres de la pop et du rock américain. Et oui, dans Solid Gold aussi, on écoute aussi un peu de rock puisqu'on balance régulièrement entre tous les genres musicaux de la variété anglo-saxonne un album chaque semaine que l'on déroule tout au long de l'émission. Ce soir, c'est l'album donc de Hall & Oates, Voices, qui date de 1980. On va les retrouver tout de suite avec Got a Latin Nerve. Et puis juste après, on ira plus du côté du jazz puisque nous aurons d'abord Nancy Wilson et ensuite le duo Nat King et Natalie Cole. Bom bom bom dun map dun map bom bom bom dun map bom bom bom bom bom bom bom dun map got a lot of bom bom got a lot of doo doo bom bom you got dun map got a lot of bom dun map bom bom bom bom and you appear in all your splendor. My one and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender. My one and only love. Your hand is like heaven. Oh, heaven that I've never known. The blush of your cheek whenever I speak tells me that you are my own. You fill my eager heart with such desire. Every kiss you give sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender. Someone been more unforgettable in every way, and forevermore, and forevermore. That's how you'll stay. That's how you'll stay. That's why, darling. It's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Forevermore. That's how you'll stay. That's how you'll stay. why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Duo virtuel orchestré de main de maître par David Foster, Natalie Cole avec son papa Nat King Cole et une reprise de ce dernier Unforgettable. Et juste avant, c'était la grande Nancy Wilson et My One and Only Love. Quand je vous disais tout à l'heure que Daryl Hall et John Oates ont aussi beaucoup été influencés par la soul music, ils ont été influencés par leur grand devancier et là c'est une reprise des Righteous Brothers qu'on va entendre. You've Lost That Loving Feeling, grand tube dans les années 80 ensuite pour Bette Midler, The Wind Beneath My Wings. You never close your eyes anymore when I kiss your lips. And there's no tenderness like before. Lost that. Fascinating rhythm, you got me on the go. Fascinating rhythm, what a mess you're making. The neighbors wanna know why I'm always shaking. Each morning I get up with the sun. to find at night no work has been done. Once it didn't matter, but now you're doing wrong when you start to patter. Won't you take a day off, decide to run along somewhere far away off? Oh, how I long to be the man I used to be. Fascinating rhythm, you got me on the go. Fascinating rhythm, got me all aglow. Fascinating rhythm. Once it didn't matter, now you're doing wrong. When you patter, I'm unhappy. Won't you take a day off, better run along somewhere way off, make it snappy. Oh, how I long to be the man I used to be. Fascinating rhythm, you got me on the go. Fascinating rhythm, you got me on the go. Fascinating rhythm, fascinating rhythm, fascinating rhythm. Ça swing aussi un peu dans Solid Gold avec Mel Tormé et Fascinating Rhythm juste avant. Grande balade, grand tube pour Bette Midler, The Wind Beneath My Wings. C'était la chanson du film Beaches. On va retrouver tout de suite Daryl Hall et John Oates avec un extrait de leur album Voices, album de 1980. Grand succès aussi pour ce single qui s'est classé dans le top 10 à l'époque. La chanson s'appelle You Make My Dreams. Ensuite, Anita Baker avec la chanson qui a signé son retour au devant de la scène dans les années 80, Sweet Love. We'll be right back. see my arms will hold you, baby. Never leave, 'cause I believe I'm in love. Sweet love, help me calling out your name. I feel no shame, I'm in love. Sweet love, don't you ever go away. It'll always be this way. Your heart has called me closer to you. I will be all that you need. Just trust in what we're feeling. Never we love. Le grand David Foster dans Solid Gold, grand producteur, grand compositeur, grand producteur notamment, je vous le disais tout à l'heure, du duo Nat King Cole et Natalie Cole. Là, c'est sur un de ses propres albums qui s'appelle The Best of Me. Le morceau s'appelle Chaka, en hommage à Chaka Khan, puisque c'est un morceau qu'il avait composé et proposé à Chaka Khan, qu'elle avait enregistré dans les années 70. On va retrouver Daryl Hall et John Oates, extrait de leur album Voices. Et là, c'est le troisième gros carton de l'album qu'on va écouter, puisque c'est une chanson qui s'appelle « Every Time You Go Away », qui a très bien marché à l'époque et qui est revenue sur le devant de la scène 6 ans après, quand Paul Young l'a reprise pour un de ses premiers albums et on a refait un succès. Donc « Every Time You Go Away » de Daryl Hall et John Oates tout de suite, et juste après, on aura un des tubes soul d'Aretha Franklin. Thank you. looking out on the morning rain. Thank you. I used to feel so uninspired, and when I knew I had to face another day, oh, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, but you're the key to my peace of mind. Because you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. When my soul was in the lost and found, you came along to claim it. Well, I didn't know. I didn't know what was wrong with me until your kiss helped me name it. Of what I'm living for, and if I make you happy, I really don't need to do more, because you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman, woman. Oh, baby, what you've done to me, done to me. You made me feel so good inside. And I just wanna be, wanna be. I wanna get next to you. You make me feel so, so alive. Son smooth jazz qu'on aime bien aussi dans Solid Gold, celui de Ben Tankard avec Hold On, Keep Strong, et juste avant un hymne d'Aretha Franklin, You Make Me Feel a Natural Woman. On retrouve tout de suite Daryl Hall et John Oates puisque ce sont eux nos artistes fil rouge de ce soir, leur album Voices, un album publié chez RCA en 1980. La chanson qu'on va écouter maintenant s'appelle Africa. never meet again. Before you go, make this moment sweet again. We won't say good night. Minute, I'll hold out my hand, and my heart will be in it for all. Deux grands noms de la soul music, Donny Hathaway en duo avec Roberta Flack et la reprise du standard For All We Know, et juste avant Daryl Hall et John Oates avec Africa. Nous arrivons à la fin de ce Solid Gold, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous sur votre radio. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'émission sur internet en podcast sur solidgold.mypodcast.com. La semaine prochaine, nous aurons un nouvel album fil rouge, comme l'était ce soir l'album de Hall and Oates, Daryl Hall et John Oates, Voices, un album de 1980 dont nous allons écouter un dernier extrait avant de nous quitter. La chanson s'appelle « Diddy Do Wop, I Hear the Voices ». On se retrouve donc la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! singing, did it well.